Sergent, dis-je, voit-on l'ennemi reculer? Non. Que voyez-vous? Rien. Ni moi. C'est le déluge, mais en feu. Voyez-vous nos gens? Non. Si j'en juge par le nombre de coups qu'à présent nous tirons, nous sommes bien 40. Un grognard à chevron qui tiraillait pas loin de moi dit « On est 30. » Tout était neige et nuit. La bise pénétrante soufflait. Et grelottant, nous regardions pleuvoir un gouffre de points blancs dans un abîme noir. La bataille pourtant semblait devenir pire. C'est qu'un royaume était mangé par un empire. On devinait derrière un voile un choc affreux. On eut des lions se dévorant entre eux. C'était comme un combat des géants de la fable. On entendait le bruit des décharges, semblable à des écroulements énormes. Les faubourgs de la ville d'Elo prenaient feu. Les tambours redoublaient leur musique horrible. Et sous la nue, 600 canons faisaient la basse continue. On se massacrait. Rien ne semblait décidé. La France jouait là son plus grand coup de dé. Le bon Dieu de là-haut était-il pour ou contre? Quelle ombre! Et je tirais de temps en temps ma montre. Par intervalle, un cri troublait ce chant muet, et l'on voyait un corps gisant qui remuait. Nous étions fusillés l'un après l'autre. Un râle immense remplissait cette ombre sépulcrale. Les rois ont les soldats, comme vous, vos jouets. Je levai mon épée, et je la secouai au-dessus de ma tête, et j'ai crié « Courage !» J'étais sourd, et j'étais ivre, tant avec rage, les coups de foudre étaient par d'autres coups suivis. Soudain, mon bras pendit, mon bras droit, et je vis mon épée à mes pieds qui m'était échappée. J'avais un bras cassé. Je ramassai l'épée avec l'autre et la pris dans ma main gauche. Ami, se faire aussi casser le bras gauche est permis. Criai-je, et je me mis à rire, chose utile, car le soldat n'est point content qu'on le mutile, et voir le chef un peu blessé ne déplaît point.